souvenir d'un marchand de tableaux? Chapitre 12, deuxième partie, les livres que j'ai écrits. Pas suffi d'être éditeur. J'eus encore l'ambition de devenir auteur, ayant cru, moi aussi, avoir quelque chose à dire. Le goût si vif que j'ai pour les beaux papiers et les magnifiques impressions devait au surplus y trouver son compte, car les livres que j'écrirais, c'était autant d'éditions à entreprendre. Mon premier grand livre fut « Paul Cézanne », qui parut en 1914, en grande édition d'abord. J'avais mis l'ouvrage en souscription au prix de 65 francs. Les rares souscripteurs se dérobèrent au dernier moment en donnant comme prétexte la guerre. Je portais alors le prix à 100 francs. Les souscripteurs qui s'étaient défilés me revinrent aussitôt. D'autres suivirent, et le livre connut ce qu'on appelle le succès. Il devait plus tard être traduit en allemand, en anglais et en japonais. Dans la joie de me voir imprimé, je rôdais tout le temps autour des machines. Bien m'en prit. L'imprimeur m'avait vanté son correcteur, Lelon. C'est un as. Un auteur a beau se tromper, on peut être sûr que Lelon ne laissera rien passer. Mais voilà qu'un jour, ce même Lelon me dit « Il n'a pas de suite dans les idées, votre peintre. Écoutez-moi ça. La femme, être divin, qu'elle soit mère, épouse ou sœur. Et tout de suite après, les femmes sont des veaux et des calculatrices. » Cette dernière formule, c'était du vrai Cézanne, mais pas celle qui précédait. Voici ce qui était arrivé. À côté de mon Cézanne, on composait l'ouvrage d'un féministe convaincu, et une ligne de son texte s'était glissée dans le mien. Un autre jour, Lelon m'interpellant, « Cette fois, monsieur Vollard, c'est vous qui avez commis l'erreur. Vous avez écrit « cabané » pour « cabanel ». Et, se tournant vers ses aides, « Qu'est-ce que vous attendez pour rouler ?» On peut dire que j'étais arrivée à temps. Ce n'était pas du peintre des Ondines qu'il s'agissait, mais bien de Cabané, un petit musicien de province auquel ses reparties avaient donné une sorte de notoriété. À quelqu'un qui lui demandait « Pourriez-vous rendre le silence en musique ?»« Certes, répondit-il sans hésiter, mais il me faudrait pour cela le concours de 3 musiques militaires. » Et, à peine débarqué de sa province, « Je ne me savais pas si connu à Paris, » disait-il. « Sur mon passage, tout le monde me saluait. » Cabané ne s'était pas aperçu qu'il était sur le parcours d'un enterrement devant lequel les passants se découvraient. Il n'avait au surplus aucune vanité. Quand ses amis louaient ses dons de musicien, « Oh, faisait-il modestement, je resterai surtout comme philosophe. » Cézanne lui reconnaissait volontiers en peinture un flair de connaisseur. Un jour, le maître d'Aix était sorti de chez lui, emportant cette grande toile de baigneur, qui est aujourd'hui un des joyaux de la collection Barnes. « Il n'y a plus d'argent à la maison. » dit-il en croisant Renoir, « je vais tâcher de trouver un amateur. » Quelque temps après, Cézanne rencontrant de nouveau Renoir, « Ah, je suis bien content, j'ai trouvé quelqu'un à qui mes baigneurs ont plu. » Cet amateur n'était autre que Cabané. Rencontrant Cézanne, il lui avait demandé de voir le tableau. Le peintre l'avait adossé au mur. Cabané s'était extasié. Et Cézanne, les larmes aux yeux, lui avait fait don de sa toile. Dans mon livre sur Cézanne, je m'étais efforcé d'écrire simplement, comme on parle, en évitant par-dessus tout de paraître faire de la critique d'art. Mais il restait encore tant de choses à dire. J'avais à compter la vocation irrésistible du peintre que contrecarrait un père réfractaire à l'art. Enfant, on meurt avec du génie et on mange avec de l'argent. Cependant que sa mère ripostait à ceux qui doutaient de la vocation de son fils. Et quoi ? Il s'appelle Paul, comme Véronèse et Rubin. J'avais à dire ensuite son arrivée à Paris, son assiduité au Louvre, son ardeur à l'étude des maîtres, sa fièvre de travail, son échec à l'examen d'entrée à l'école des beaux-arts avec une toile qui fit dire à un des membres du jury. Cézanne a un tempérament de coloriste. Par malheur, il peint avec excès. Puis viendrait l'amitié qu'il l'unit à Zola, la sollicitude que celui-ci devait montrer pour Cézanne. Travaille fort et ferme le dessin, ne tombe pas dans la peinture de commerce. Les efforts de Cézanne, faits de fiévreux enthousiasme et de perpétuels recommencements. L'apparition, enfin, de l'œuvre, où le père des Rougon-Macquart représentait son ami sous les traits d'un artiste qui se suicide parce qu'il est incapable de se réaliser. À quoi Cézanne répondra : Nom de Dieu, quand un tableau n'est pas réussi, on le fout au feu et on en recommence un autre. J'avais encore à dire les tentatives répétées de Cézanne pour forcer les portes du Salon des artistes français, dans la persuasion où il était que le public, par la comparaison de ses toiles et de celles des autres, reconnaîtrait en lui le grand peintre qu'au fond de lui-même il savait être. Si bien que, pour Cézanne, exposé au salon de Bouguereau, avait la signification d'un coup de pied au cul de l'Institut. Il me restait, enfin, à rapporter d'autres points, et non des moins importants, de la vie du peintre. Le réconfort que Cézanne puisa dans les encouragements d'un amateur qui devançait son temps, M. Choquet. L'exposition que je fis des œuvres du maître d'Aix dans ma petite boutique de la rue Lafitte. Ma visite à Cézanne à Aix. Les séances pour le portrait qu'il fit de moi. Et combien d'épisodes de l'existence tourmentée du peintre. Mais, du moins, ce que je me suis efforcé de faire ressortir de la vie de Cézanne, vrai Don Quichotte de la peinture, c'est la grande leçon de labeur et de modestie qu'a donnée l'artiste, que je voyais, aux heures de doute, allant au Louvre et en sortant si fortifié que, passant devant mon magasin, il entrait et me disait tout rayonnant « Je crois que la séance de demain sera bonne ». Mon livre devait connaître les appréciations les plus diverses. Dans « Aux écoutes », voici comment on jugea Cézanne d'après le portrait que j'en avais fait. Ce livre laisse l'impression assez pénible d'un primaire grossier qui aurait à peu près la mentalité du douanier Rousseau. Tandis que M. Pierre Mille, dans Le Temps, déclarait « Cézanne apparaît, au cours de ses souvenirs, délicieux d'ingénuité. » Les cahiers d'aujourd'hui disaient « Monsieur Vollard a écrit un livre pour faire conclure que le peintre d'Aix était un gâteux. » Telle ne devait pas être l'appréciation de Monsieur J. Pellerin dans « J'ai vu ». Le maître d'Aix est là, vivant et agissant. Les luttes sont fidèlement retracées avec une observation narquoise et tendre, un humour délicieux et bien personnel. Le chapitre « Cézanne et Zola » atteint presque au chef-d'œuvre. Sur ce même chapitre, M. Franz Jourdain émettait une appréciation diamétralement opposée. Que M. Vollard présente l'auteur de « Mes haines » comme un doux gâteux débitant toutes les âneries possibles, cela n'a aucune importance. De son côté, J. H. Rosnier-Ney, dans une lettre qu'il m'adressait, écrivait vous avez reçu le don de l'observation et de la finesse. Votre héros, si j'ose dire, est très vivant, et aussi Émile Zola dans le chapitre que vous lui consacrez. » M. Gustave Kahn notait, dans un article du Mercure de France, « L'exclusivisme intellectuel de Cézanne apparaît dans ces pages où M. Vollard s'élève très souvent de Verdet à Eckermann. Il a considéré son modèle avec des yeux très clairs, ce qui est intéressant vis-à-vis d'un homme entouré de légendes. » Cependant que, dans l'Art libre de Bruxelles, on pouvait lire « M. Vollard nous a prouvé qu'il n'a ni vu ni compris le maître. » M. Paul Cézanne, fils, m'écrivait « Vous avez su reproduire fidèlement, dans votre étude sur mon père intime, quelques-uns des contrastes de bonhomie et d'ironie qui caractérisent le mieux la nature subtile et enthousiaste de votre modèle. » Joséphin Péladan, de son côté, dans une lettre où il me parlait de Cézanne, « Sa figure, vous l'avez rendue dans tout son éclat d'honnêteté et d'infortune. » Comme je m'étonnais devant un critique des contradictions de ses confrères, « Comment, me répondit-il, tout le monde parle de vous et vous n'êtes pas content? Alors quoi, vous vous plaignez que la mariée est trop belle ?» Dans mon livre sur Renoir, par contre, la peinture tient une grande place. Métier, théorie d'art, chef-d'œuvre des musées. Je me hâte de dire que je rapporte uniquement des propos de Renoir. Je devais aussi parler, avec tous les développements qu'elle méritait, de la personne et de la vie du peintre. Comment, en effet, ne pas s'étendre sur une existence qui semble appartenir à un conte de fées? Un petit décorateur d'assiettes qui s'élève à l'incomparable éclat d'un art qu'attestent la loge, le moulin de la galette, la danseuse, les canotiers et les extraordinaires nus de la fin de la vie de l'artiste. Et quelle leçon donnée au jeune peintre par cet aîné qui, au milieu de ses plus grands succès, se persuadait qu'il ne savait ni peindre ni dessiner. Et, dans le même temps que d'autres réclamaient que l'on brûlât le Louvre, se remettait à l'école des maîtres. J'avais lu, dans une histoire des peintres, que Pline l'Ancien se plaignait des jeunes qui voulaient introduire des couleurs nouvelles dans la peinture. Je rapportais le fait à Renoir. « Des couleurs nouvelles ? » fit-il. « Mais, lui dis-je, est-ce que l'impressionnisme, ce n'est pas quelque chose comme ça ?»« Oh, l'impressionnisme, parlons-en !» s'écria Renoir impatienté. « Dire que c'est moi qui ai insisté pour qu'on gardât à notre groupe ce qualificatif que lui avait donné, par dérision, le public devant une toile de Monet intitulée « Impression » ?» Par là, je voulais simplement dire aux passants « Vous trouverez ici le genre de peinture que vous n'aimez pas. Si vous venez, ce sera tant pis pour vous. On ne vous remboursera pas vos 10 sous d'entrée. » Mais n'a-t-on pas dit que c'était une découverte à l'actif des impressionnistes d'avoir obtenu le noir par un mélange de bleu et de rouge? Vous appelez ça une découverte que d'avoir substitué au noir d'ivoire un mélange de bleu et de rouge? En peinture, voyez-vous, il n'y a pas un seul procédé qui s'accommode d'être mis en formule. J'ai essayé de doser l'huile que j'ajoute à la couleur sur ma palette. Eh bien, je n'ai pas pu y arriver. Je dois à chaque fois mettre mon huile au jugé. » Combien Renoir aimait à parler de ces époques où le peintre ne rêvait pas de palettes nouvelles, mais appliquait tout son effort à approfondir sans cesse son métier en s'appuyant sur la tradition. Temps heureux où les œuvres témoignaient l'équilibre et la sérénité de l'artiste. Ce qui caractérisait, par-dessus tout, Renoir, c'était cette nature aristocratique que tout décelait en lui. La noblesse de son art, ses goûts, ses jugements, jusqu'à ses boutades. Renoir avait la passion de tout ce qui porte la marque du génie français. L'ordonnance est l'équilibre de l'œuvre, la clarté des idées, le naturel dans le style. On a vu qu'il allait jusqu'à préférer Alexandre Dumas à Victor Hugo, tant il en voulait au poète d'avoir déshabitué les Français de s'exprimer simplement. Quelqu'un disait un jour à Renoir « On s'entremet pour vous faire avoir le portrait de la duchesse de X. » Et Renoir, vivement, « Oh, moi, vous savez, je me contente du premier cul crotté venu, pourvu que je tombe sur une peau qui ne repousse pas la lumière. » Et si l'on songe que cette qualité était la seule qu'il exigeait de ses bonnes, plus modèles encore que servantes, on pourrait s'étonner que Renoir eût un intérieur si bien tenu, que ses enfants fussent si soignés, les repas toujours servis à l'heure. Mais tout s'explique quand on a vu Madame Renoir veillant à tout, jusqu'aux pinceaux pour qu'ils fussent bien lavés, et dans des pots de terre vernissés, ces jolis pots qu'elle découvrait aux étalages, disposant elle-même des fleurs, avec ce goût si sûr qui faisait dire à Renoir « Quand ma femme a fait un bouquet, je n'ai plus qu'à le peindre. » À Cagnes, à Essois, où je fus souvent son hôte, Renoir s'amusait, avant la séance du modèle, et en fumant une cigarette, après avoir pris son café au lait, à feuilleter des petits catalogues de musées, que moi-même, est-il besoin de le dire, je laissais astucieusement traîner sur la table, à l'autre bout de laquelle j'étais censé faire ma correspondance. En réalité, je notais tout ce que le peintre se laissait aller à dire en voyant défiler les titres de tableaux qui lui rappelaient le temps où il pouvait, à son gré, aller et venir. Maintenant, il était condamné à passer sa vie dans un fauteuil, ses jambes lui refusant tout service, les mains recroquevillées par les rhumatismes, les doigts presque morts, auxquels il fallait attacher soit le pinceau, soit la baguette, dont le peintre, devenu sculpteur dans les dernières années de sa vie, se servait pour dicter aux praticiens les volumes de sa Vénus. Un jour, relisant mes notes, j'eus la pensée de les publier. Mon manuscrit terminé, je le soumis à Renoir. « Eh bien, fit-il quand il me le rendit, vous pouvez vous vanter de m'avoir eu. Je vous voyais bien griffonner sur des bouts de papier pendant que je parlais. Mais qui croyez-vous que ça puisse intéresser? Heureusement, vous ne m'avez pas fait dire trop de bêtises. » L'intérêt qui s'attache à tout ce qui touchait à la personnalité de Renoir était garant du succès du livre. Dans les comptes rendus qui en parurent, on voulut bien me remercier d'avoir fait pénétrer le lecteur dans l'intimité du maître. Ces éloges n'étaient pas pour me déplaire, mais je me rappelais le mot d'Albert Wolff, de qui un auteur sollicitait un article. « Un article d'éloge, repartit-il, c'est 25 louis. Un éreintement, 50 louis. » Mon éreintement, je ne devais pas l'attendre longtemps. Un député socialiste, quelque peu dilettante, et qui, depuis, fait figure d'homme d'État, M. Paul Boncour, dans un article de l'Ère Nouvelle, intitulé « Les nécrophages », me compara aux détrousseurs de cadavres. Comme je rencontrais un familier du parlementaire, je ne pus m'empêcher de lui dire « Qu'est-ce qui lui a donc pris à votre ami ?» Mon interlocuteur éclata de rire. « Vous en avez de bonnes. Vous faites dire à Renoir qu'il aime mieux un curé qu'un socialiste parce qu'un curé s'apporte un uniforme et qu'on le reconnaît de loin. Tandis qu'un monsieur, avec un veston comme tout le monde, on ne peut pas deviner que c'est un socialiste. Et quand il vous tient, il vous rase à fond. Boncourt ne pouvait pas s'attaquer à Renoir. Alors, naturellement, il tombe sur vous. » J'ai essayé, dans mon livre sur Degas, de fixer quelques traits de la personnalité de l'homme, personnalité faite à la fois de cruauté apparente et de sensibilité maîtrisée. Cette sensibilité fit souffrir Degas toute sa vie. Il était d'une autre époque, d'un temps où il y avait encore de la politesse, le sens de la hiérarchie et de l'ordre. C'est ainsi que Degas se jugeait offensé si le premier venu lui tendait la main, et surtout avec un « bonjour, maître ». Une fois, cependant, Degas resta quoi ? S'étant rencontré avec le douanier Rousseau, celui-ci candidement « Eh bien, monsieur Degas, la vente, ça va-t-il comme vous voulez ?» Aussi bien, lorsque la peinture et les principes n'étaient pas en jeu, il n'y avait pas plus amène que Degas. À peine dans ce qu'il disait, une pointe de malice. Par exemple, lorsque Bonnat, le conduisant au salon devant le tableau d'un de ses élèves, chasseur tirant de l'arc, « Comme il vise bien, n'est-ce pas, Degas ?»« Oui, il vise une médaille. » C'est que la bonhomie était le fond des propos de Degas. Au parc Monceau, s'étant pris les pieds dans les fils de fer qui entouraient les pelouses, « C'est fait exprès pour faire tomber le monde !» s'écria quelqu'un. Degas, doucement, « Mais non, vous ne voyez pas que c'est pour empêcher de déposer des statues sur les pelouses ?» Et s'il arrivait à Degas de lancer un de ses traits qui faisait de celui qui en était l'objet comme un papillon épinglé sur un liège, ces mots, qui pouvaient paraître les plus mordants, étaient moins des épigrammes que des jugements, dont ceux qui se sentaient atteints auraient pu tirer profit. Ainsi, devant le tableau de J.P. Lawrence, qui montre la reine Hildeberte s'enfuyant du palais, quelqu'un ayant demandé « Mais pourquoi se sauve-t-elle ?» Degas, négligemment, « C'est parce qu'elle ne se sent pas en accord avec le fond. » Il est inutile de dire que l'on ne savait à Degas aucun gré de ses précieux conseils. Je me rappelle cette mère que je rencontrai un jour chez le peintre. « J'ai un fils qui peint, lui dit-elle. Il n'a pas encore 15 ans et il est tellement sincère devant la nature. » « 15 ans et déjà sincère devant la nature ?» s'exclama Degas. « Eh bien, madame, votre fils est perdu pour la peinture. » Et comme la dame s'en allait, hors d'elle, « Cependant, monsieur Degas, demandai-je, si le peintre n'est pas en communion avec la nature, il faut d'abord qu'il copie et recopie les maîtres avant qu'il lui soit permis de peindre un radis d'après nature. Et après tout, pour bien rendre un paysage, il n'y a encore que l'atelier. Pourtant, monsieur Degas, cette étude de femme sur la plage que vous m'avez montrée l'autre jour, cet air marin qu'on y respire, ce sable humide. Eh bien, j'ai étendu mon gilet de flanelle par terre dans l'atelier, j'ai assis mon modèle dessus. Ah, ce sable mouillé, évidemment, je l'avais déjà vu, mais je l'ai peint à l'atelier. Un tableau, c'est fait pour être accroché au mur de l'appartement. Est-ce que l'atmosphère du dedans, c'est l'atmosphère du dehors ? Et même, avec une soupe aux herbes et 3 vieux pinceaux piqués dedans, est-ce qu'il n'y a pas de quoi faire tous les paysages du monde ? Écoutez, monsieur Degas, un jour à Varangeville, je vis arriver dans un nuage de poussière une petite voiture. Monet en descend, regarde le soleil, consulte sa montre. « Je suis en retard d'une demi-heure, dit-il, je reviendrai demain. » À ce moment, survint le peintre Robert. « Je sors, dit-il, de voir chez Durand-Ruel une série de peupliers de Monet. « J'y ai justement rencontré Monet hier, fit Degas. Je lui ai dit, je m'en vais. Il me semble que c'est plein de courant d'air ici. » Un peu plus, je relevais le col de mon veston. Quelqu'un disait à Degas, « Monsieur Degas, que vous êtes parfois dur avec les autres. » « C'est quand je ne puis pas faire autrement, monsieur. Mais lorsque je me défends contre les gens, il faut que je me force, car par nature, je suis timide. » La timidité de Degas, le peintre Vibert devait en faire un jour l'expérience. Comme il disait à l'artiste, « Il faut que vous veniez voir notre exposition aux aquarellistes. » Et, ayant jeté un coup d'œil sur le vieux Macfarlane du peintre, « Vous trouverez peut-être nos cadres, nos tapis un peu riches, mais enfin, la peinture, n'est-ce pas un objet de luxe ?»« La vôtre peut-être, monsieur, La nôtre, c'est un objet de première nécessité. » Mais ces objets de première nécessité, tout le monde ne pouvait pas prétendre à les contempler. Un jour que j'étais là, voilà qu'on annonce la visite de M. Loïs Delteil. « Il a une bonne tête, celui-là, » fit Degas. « Ce n'est sûrement pas un Dreyfusard. Qu'il entre. » M. Loïs Delteil venait demander à Degas s'il voudrait bien lui permettre de voir une certaine lithographie de Delacroix qu'il savait être en la possession du peintre. Après une légère hésitation et un nouveau coup d'œil investigateur jeté sur le visiteur, Degas se dirigea vers un casier, prit un carton, l'ouvrit, et, tout en cherchant, il arrondissait le dos pour que M. Delteil, qui, de son côté, s'était avancé, ne pût rien voir du contenu du carton. « Vous m'autoriserez bien, n'est-ce pas, M. Degas, à envoyer chez vous photographier cette litho ?»« Photographier mon Delacroix, et pourquoi faire ?»« Mais pour le reproduire dans une revue. » Et, cherchant un argument pour avoir Degas, malgré l'air peu engageant que l'artiste avait pris soudain, « On ne connaît de cette litho que deux épreuves, la vôtre et une autre qui a disparu. »« Eh bien moi, monsieur, j'ai mis 20 ans à trouver ce Delacroix. Que les autres en fassent autant !» Et Degas, sans même montrer à monsieur Delteil la litho qu'il avait extraite du carton, la remit à sa place. « Mais monsieur Degas, fit alors Delteil, tout le monde a droit à l'art. » « Je me moque bien de ce droit que vous donnez à tout le monde. Mon Delacroix ne sortira pas de ce carton. » Et quand Delteil s'en fut allé tout penaud, « Vous verrez, Volard, qu'on en arrivera à faire sortir les Raphaël et les Rembrandt des musées pour les promener dans les casernes, dans les foires, dans les prisons, sous prétexte que tout le monde a droit à la beauté. » Voilà qui n'était pas pour affaiblir l'idée qu'on se faisait généralement d'un Degas intraitable. Non plus que l'intolérance qu'il montra quand, arrivant à l'atelier où l'attendait le modèle déjà préparé pour la pose, « Rhabille-toi et fous le camp. »« Mais, monsieur Degas, qu'est-ce que je vous ai fait ?»« Tu as fait que tu es protestante et que les protestants marchent avec les juifs pour Dreyfus. » Voici, par contre, un autre trait de Degas. Allant chez lui, je croisais sous la porte cochère un israélite notoire, M. Ernest May, autant qu'il m'en souvienne. M'abordant, « Vous allez chez Degas ?» je le quitte à l'instant. Et, devant mon air étonné, « Oui, l'affaire nous avait séparés, mais en apprenant la mort de ma pauvre femme, il m'avait écrit de passer le voir. C'était pour me donner un portrait d'elle, qu'il avait fait autrefois. » Je trouvai Degas remettant dans un carton un portrait de femme. J'ai rencontré M. May à la porte. Il paraissait tout ému. « Bah, je venais de lui montrer un portrait de sa femme que je vais lui offrir. Il y manque encore un petit coup. Comme ce serait agréable, Volard, de donner, s'il n'y avait pas les remerciements. » Je rapportai le propos à M. N. Vous avez beau dire, M. Volard, je ne m'y fierai pas, moi, à la bonté d'âme de Degas. L'autre jour, à table, comme une petite fille tapait avec sa fourchette sur son assiette, il la regarda d'un air si rébarbatif que l'enfant vomit son déjeuner à travers la table. Un Degas qui n'aime pas les enfants? Ce Degas que j'ai rencontré avant-hier sortant d'un bazar et tenant d'une main un petit fusil, de l'autre un polichinelle? Alors, monsieur Volard, s'il est comme ça, votre Degas, comment se fait-il qu'il bat sa vieille bonne? Or, quelque temps après, étant allé chez Degas à l'heure du déjeuner, moment où on pouvait le plus facilement le voir, celui-ci, d'une voix un peu rude, « Zoé, ce soir j'aurai quelqu'un à dîner. »« Non, monsieur, vous irez au restaurant avec votre ami. Ce soir, je ne veux pas de vous. » La figure de Degas s'était faite sévère. Avec sa réputation de méchant homme, je me disais « Il va battre Zoé. » Celle-ci continuait sans s'émouvoir. « Aujourd'hui, je fais mes confitures. Je ne veux pas être dérangé. »« Bon, bon, » répondit Degas. Et quand Zoé eut passé dans la cuisine, « Vous savez, monsieur Degas, qu'on vous croit méchant. Je veux qu'on me croie méchant. Mais vous êtes bon. Je ne veux pas être bon. Ce fond de bonté que Degas n'arrivait pas à cacher, les amis de la maison auraient bien voulu l'exploiter. Degas, on compte absolument que vous viendrez à cette exposition de peinture. Je ne vois plus mes yeux, mes pauvres yeux. Formule qui avait aussi l'avantage de ne pas mettre son auteur dans l'obligation de reconnaître les gens. Monsieur Degas, lui disait un critique d'art, je passerai un jour vous voir à l'atelier. Quand il fera nuit, monsieur. Degas, vous savez que Madame X vous en voudra si vous ne venez pas à son après-midi musical. La musique me donne le vertige. Ah, Degas, intervenait la femme d'un de ses vieux amis, demain, chez moi, vous ne ferez pas le méchant si vous voyez sur la table une toute petite corbeille de fleurs. Soyez raisonnable, je ne peux pas faire autrement, il y aura le général Mercier. Eh bien, le général Mercier se passera de moi, voilà tout. À l'égal des fleurs, Degas détestait les animaux dans les appartements. Aussi, quand il était attendu chez des amis, ceux-ci prenaient-ils soin, avant son arrivée, d'enfermer les bêtes. Et si, ayant oublié de le faire, on entendait dans l'antichambre des coups de parapluie, suivis de cris de chiens trop empressés à se faire caresser, tout le monde s'écriait « Voilà deux gars !» Ainsi donc, pour tenter de se défendre contre les importuns de toute espèce, Degas était classé insociable. Ce n'était pas en tout cas l'opinion de Mirbeau, qui, un soir, ayant rencontré Degas à mon magasin, me dit, après le départ du peintre, « Quel homme délicieux ce Degas! Vous voyez comme il a paru content de me revoir ?» Or Degas, quelques jours après, « Quel est donc Volard, ce particulier, que j'ai vu l'autre soir chez vous ?»« Mais c'est Mirbeau !»« Mirbeau, n'est-ce pas quelqu'un qui écrit ?»« Comment, monsieur Degas, vous m'avez paru si aimable avec lui que je croyais que vous le connaissiez ?»« Mon Dieu, Volard, je suis honnête avec tout le monde, pourvu qu'on ne cherche pas trop à m'embêter. » Degas avait fini par sentir que l'homme n'est pas fait pour vivre seul. Aussi, un jour, à brûle-pourpoint, « Volard, il faut se marier !»« Alors, monsieur Degas, risquai-je, pourquoi ne vous mariez-vous pas ?»« Oh, moi, ce n'est pas la même chose. J'aurais trop peur, lorsque j'aurais achevé un tableau, d'entendre ma femme dire « C'est bien joli ce que tu as fait là !» Mais s'il s'agissait de l'œuvre d'un confrère, il fallait voir Degas se dépenser pour la mettre en valeur. Je voyais un jour, chez lui, un plâtre, un nu de miniature dont lui avait fait cadeau un de ses amis, le sculpteur Bartholomé. « J'ai commandé, me dit-il, une vitrine. » Au même instant, arrivaient Forain et Marie Cassatt. Et Degas de s'efforcer de montrer qu'il trouvait du mérite à Bartholomé. « Ne vous donnez donc pas tant de peine, Degas, dit Forain. Vous savez, moi, j'ai toujours eu horreur de la pornographie sérieuse. Voyons, Degas, fit à son tour Mademoiselle Cassatt. Au fond, tout le monde se doute bien de ce que vous pensez de Bartholomé. Alors Degas, naïvement, mais je ne le lui ai pas dit. Degas ne redoutait qu'une chose, ne pas pouvoir travailler jusqu'à son dernier jour. Quand son médecin lui disait « Il faut prendre des distractions, amusez-vous. » « Et si cela m'ennuie, moi, de m'amuser ?» Quand il était jeune, il arrivait au peintre de fer, l'été, en cabriolet, quelques randonnées avec Bartholomé qui conduisait. Il leur arrivait aussi d'aller ensemble à Montauban, revoir les Ingres. C'est une de ces visites qu'une feuille locale mentionnait en ces termes. Le grand artiste Bartholomé est dans nos murs. Il est accompagné d'un de ses amis, M. Degas, un peintre montmartrois. Degas ne s'étonnait pas que son nom fût ignoré en province, mais il devait trouver qu'on allait parfois un peu loin. à Saint-Valery-sur-Somme, ayant aperçu à la devanture d'un chapelier une extraordinaire casquette. « Il faut que je me paie cette casquette-là. » Or, on attendait à ce moment une troupe qui devait jouer Cyrano. Alors, le marchand, finement, à Degas, pendant qu'il essayait la coiffure. « Ah, je vois ce que c'est vous qui faites Cyrano. » La queue en brie chez les Rouards, Saint-Valéry chez le peintre Bracaval, c'étaient les seuls lieux de villégiature de Degas. Madame Bracaval m'a raconté que Degas, étant arrivé une fois à Saint-Valéry, par un temps épouvantable, « Vite, près du feu, monsieur Degas, si vous alliez prendre la grippe. » Alors Degas, « La grippe ? Ah, je repars ce soir même. Mon médecin m'a recommandé de me méfier des grippes de province. » « Je crois, dit un jour tout triomphant, Bracaval à Degas, que j'ai enfin trouvé ma manière. « Ce que je m'embêterais, moi, fit Degas, si j'avais trouvé la mienne. » Degas, à la fin de sa vie, s'était mis, ou plutôt remis à la sculpture, car, de tout temps, il s'était amusé à modeler. J'entends encore Renoir me parler d'un buste de Zandone Meneghi. Oh, c'était beau, comme de l'antique. Ayant rencontré Degas chez son marchand de couleurs, à qui il venait de passer une commande de plastiline, « Avec ma vue qui s'en va, me dit-il, il faut maintenant que je prenne un métier d'aveugle. » J'arrivai dans son atelier un jour qu'il détruisait une statuette de cire à laquelle il avait travaillé plusieurs mois. « Comment, monsieur Degas, vous détruisez ça ? Vous me donneriez un chapeau plein de diamants, Volard, que cela ne m'empêcherait pas de détruire, pour avoir le plaisir de recommencer. » Degas habitait depuis 30 ans rue Victor Massé, lorsque la maison fut mise en vente. On en demandait 300 000 francs. Oh, « C'est terrible, je vais être obligé de partir d'ici, » me dit-il un jour. « Qu'est-ce que je vais devenir avec tout ce déménagement ?»« Mais, monsieur Degas, achetez la maison. Vous n'auriez qu'à entrouvrir vos cartons pour avoir ces 300 000 francs. » Degas, sursautant. « Est-ce qu'un artiste donne, comme ça, des 300 000 francs ?» Quand la maison fut vendue, son nouveau propriétaire décida de la mettre à bas pour la remplacer par un immeuble moderne. Et Degas dut céder la place au démolisseur pour aller finalement échouer au 5e étage d'une maison, boulevard de Clichy. Son déménagement prit quelque temps, car tout son atelier était transporté dans une voiture à bras par 2 vieux garçons de magasin qu'escortait Zoé en clopinant. Après son emménagement forcé, n'ayant même plus de goût à détruire ses cires pour la volupté qu'il éprouvait naguère à les pétrir de nouveau, le peintre passait ses journées à vaguer sans but dans Paris. Coiffé d'un melon verdi, enveloppé dans son inséparable Macfarlane, ses yeux l'abandonnant de plus en plus, il lui fallait, pour traverser les rues, emprunter le bras d'un agent. Toujours comme perdu dans un songe, il s'informait. « Eh bien, cette guerre ?» Du même ton qu'il disait à Zoé. « Eh bien, cette camomille ?» Dans cette dernière période de sa vie, on a voulu voir en Degas errant une sorte de roi lire. Il faisait plutôt penser à l'un de ses modèles qui se groupaient autour de la fontaine de la place Pigalle. Degas, d'ascendance italienne, retournait avec l'âge au type napolitain. Mais, nostalgiquement, ses pas le ramenaient devant sa maison, devenue la proie des démolisseurs. Les derniers plâtras enlevés, le long de la palissade dressée en bordure du terrain, un vieillard regardait, par les interstices des planches, ce qui n'était plus qu'un sol nu. J'entends encore ce quincailler, sur le pas de sa porte, disant à sa femme. « Vois donc ce vieux pauvre, est-ce qu'on ne dirait pas monsieur Degas ?» Pendant la guerre, j'éprouvais, comme tant d'autres, le besoin de dire mon mot sur les événements. C'est ce qui m'amena à écrire les réincarnations du père Ubu. Qu'était-ce donc qu'Ubu ? Au collège de Rennes, où Alfred Jarry faisait sa rhétorique, il y avait un professeur nommé Hébé. Les élèves, qui le trouvaient grotesque et lui prêtaient tous les ridicules, s'amusèrent à le chansonner dans une revue à laquelle chacun apporta sa collaboration. Cette charge de potache allait devenir plus tard une satire sociale, d'où le vrai Hébé a disparu et à laquelle Jarry donna son tour définitif et son nom d'Uburoi. Ce fut un coup de génie de Jarry d'avoir substitué au « e » du mot « hébé » la voyelle « u », dont la sonorité renforce encore le comique du personnage. L'ubu de Jarry procède d'un profond mépris de l'humanité. Toutes les colères, toutes les amertumes, tous les dégoûts que Jarry a éprouvés, il les a concentrés sur un type dont il fit une création d'une telle vitalité que, loin d'être choqué de ce qu'elle a de volontairement énorme et caricatural, nous n'y voyons qu'une ressemblance de plus. Les rancœurs et les rancunes de Jarry, chacun de nous les comprend, même quand il ne les partage pas, de telle sorte qu'une fois lancé dans la circulation, Ubu allait devenir une personnification qui ne cessera de s'enrichir. Une sorte de bouc émissaire qu'on chargera de tous les travers, de toutes les tares, de toutes les bassesses de l'humanité. En d'autres termes, l'ubu de Jarry devait finalement se transformer en type, tout comme Panurge, M. Jourdain, Homais, Joseph Prudhomme. J'ai emprunté à Jarry ce nom d'ubu, mais pour en affubler un personnage qui ne saurait prétendre à pareille valeur de symbole. En le mettant en scène, je n'ai nullement visé à une satire, à ce point général, qu'elle finisse par devenir en quelque sorte abstraite. Au contraire, Ubu est pris et maintenu par moi, toujours rigoureusement, dans le concret. De telle sorte que ce ne sont plus toutes les vilainies de l'humanité incarnées dans un personnage synthétique. Ce sont, plus modestement, les travers, les tares, les vices les plus voyants d'un milieu déterminé, le monde des politiciens. Toutefois, mon Ubu a un trait commun avec le premier en date. C'est qu'ils joignent l'un et l'autre le grotesque à l'odieux, par des procédés différents peut-être, mais qui les rapprochent en paraissant les opposer. Si l'on me permet d'insister, je dirais que l'ubu de Jarry me semble surtout un cas d'égoïsme délirant, de paroxysme individuel, tandis que mes ubus sont plutôt les manifestations d'une inconscience et d'une tyrannie collective. Uburoi est le despote qui ne connaît que des appétits élémentaires, ne recule devant rien pour satisfaire son besoin de jouissance et, dans cette poursuite, ne s'embarrasse aucunement de se contredire. Mon ubu n'a pas une pensée, pas une volonté qui lui soit propre. Il est le produit, l'émanation, le reflet d'un groupe, d'une équipe, d'une faction à laquelle il doit tout. Il n'est ce qu'il est que comme incarnant le parti, ses idées, son programme, ses maîtres mots, ses formules, ses préjugés, ses divagations, ses haines, auxquelles il se cramponne comme à l'ancre du salut, comme à une bouée de sauvetage. C'est ce qui explique que, dans ses démonstrations les plus aberrantes, il paraisse toujours agir avec une impitoyable logique. Note. Un exemple de sa manière de raisonner. Le père Ubu explique comment il a réussi à organiser la vie chère. D'autre part, donner satisfaction au public qui réclamait à corps et à cri, voire par menace de coups de pied au cul du Parlement, que nous lui livrions les stocks promis. D'autre part, éviter que le public, une fois assuré de ne pas manquer des objets composant Lady Stock. En un mot, je veux dire, comme ça marche très bien maintenant que tout est hors de prix, n'est-il pas à craindre que cela ne marche très mal quand la vie sera bon marché ? Donc nous créâmes le service de la liquidation des stocks, ce qui donnait pleine satisfaction au public, mais ce qui mettait en même temps les préposés au dit service, pour conserver leur situation de liquidateur, dans l'obligation d'empêcher, par tous les moyens, dont le plus infaillible est la force d'inertie, la liquidation des dix stocks. Fin de la note. Je devais faire deux éditions illustrées des réincarnations. La première ne comprenait qu'Ubu à la guerre et fut commencée pendant les hostilités. À cette époque, en présence de toutes les difficultés que l'on rencontrait dans l'édition dite de luxe, je fus forcé de me contenter d'un mode d'exécution jusqu'alors employé pour l'illustration des ouvrages bon marché, la reproduction des dessins par la photogravure. Le défaut principal de ce procédé est qu'il ne donne pas cette sensation de chose vivante que seul produit le travail de la main. Toutefois, je me disais qu'on devait pouvoir obtenir, d'un moyen mécanique, plus que ce qu'il avait donné jusqu'alors. Ce fut au peintre Jean Puy que j'eus recours pour l'essai que je voulais entreprendre. Il me fit, pour Ubu à la guerre, une série de dessins au pinceau qui, reproduits sur zinc, conservèrent ce moelleux et ce trait un peu gras qui les apparentent à des gravures sur bois. Ceci se passant pendant la guerre, il fallait compter avec la censure, tant pour le texte que pour les images. Je fus donc forcé de soumettre mes illustrations au visa de l'autorité militaire. La permission d'imprimer me fut accordée à la condition que le nez des généraux et celui aussi du père Ubu fussent raccourcis. « Ils sont trop longs, » me dit le capitaine censeur. On ne manquera pas de trouver dans ces appendices une insinuation obscène. « Ce sont des généraux ennemis, » objectai-je. L'action, en effet, se passait en dehors de nos frontières. « Ce sont des généraux quand même !» Devant mon désappointement, le capitaine censeur, « Oh, ce n'est pas le diable pour votre illustrateur de raccourcir un nez !» En définitive, je renonçais à ceux des dessins où les nez s'affirmaient trop manifestement. Je dois dire qu'en même temps que le père Ubu à la guerre, puis illustra un livre que j'ai en préparation, Le pot de fleurs de la mère Ubu. Cette fois, ce fut avec des lithographies. Après l'Ubu à la guerre illustré par Puy, je méditais d'agrandir le cadre où j'avais fait évoluer le personnage. Je le transportais successivement aux colonies, à l'aviation, au PTT, à la Société des Nations, au pays des Soviets. L'ouvrage complet devint un in-folio magistralement illustré par Rouault. L'illustration comprend 22 eaux-fortes hors texte et plus de 100 gravures sur bois. La partie consacrée à Ubu aux colonies y tient la plus grande place. Rouault devait rendre le côté pathétique et nostalgique de l'âme nègre avec des traits qui en font quelque chose d'épique. Comme je montrais à Théodore de Wisewa une gravure représentant des négresses installées dans leur nid, au milieu des branches d'un cocotier, et au bas de l'arbre, un nègre célébrant leur charme, « Nounout, vous, petit bec rose, n'a point miel vert que les plus doux. Oh, »« C'est extraordinaire, » me disait Wisewa. « Votre Rouault n'a certainement vu que les nègres de Montmartre. Eh bien, je défie qu'on trouve un nègre aussi nègre que le sien. Ce n'est pas un nègre, c'est le nègre en soi. » Je me heurtais à toutes sortes d'obstacles dans l'exécution du livre. D'abord, il fallait trouver un caractère typographique qui s'harmonisât avec le dessin de Rouault. Après bien des essais, je m'arrêtai au plantain. Restait le choix du papier et l'impression des bois. L'ouvrage fut imprimé, en partie sur vélin de Vidalon, en partie sur verger de Montval, ce magnifique papier qu'on doit au sculpteur Aristide Maillol. Comme on disait devant lui qu'il était impossible aujourd'hui d'obtenir un papier qui rivalisât avec ceux d'autrefois, les secrets de fabrication de jadis étant perdus. « Il n'y a pas de secret, » déclara tout net le sculpteur. « Du papier, ça se fait avec de la toile. » Il déchira un vieux drap de lit, en mit les morceaux dans un mortier et en fit une bouillie qui l'aplatit et égalisa sur le marbre d'une commode. Telle fut l'origine de ce papier désormais célèbre dans le monde de la bibliophilie, le papier de Montval, du nom du hameau où le sculpteur a son atelier. En ce qui concerne l'impression des bois, surtout des grands bois des réincarnations, le difficile était d'avoir une presse pouvant donner, avec le minimum d'ancrage, le maximum de pression. Chez Jour de père et fils, à qui j'avais confié l'impression du livre, je voyais le pressier Henri Jourde peser de ses 130 kilos sur le barreau de sa presse à bras. Néanmoins, l'épreuve tirée restait grise, et si on ancrait davantage, tout devenait boueux. On essaya d'une pression purement mécanique, mais rien ne vaut le travail de la main. Un bois, pour lui faire rendre des noirs profonds, des gris délicats, demande à être peloté. C'est alors que Jour de père fit construire, pour tirer les réincarnations, une machine de son invention, qui, mue électriquement, mais conduite à la main, peut donner la pression suffisante, et ce, avec une telle délicatesse que des traits, si fins qu'ils soient, viennent parfaitement nets. Un jour, un ingénieur américain me rencontrant à une exposition, « Vous dites que vos livres vous donnent du mal à mettre sur pied ? Que dirais-je, moi qui ai à construire les maisons de tout un quartier ?»« C'est qu'il est plus difficile d'établir un livre que de construire tout un quartier, voire des villes entières, New York, Chicago ou Philadelphie. » »« Mais certainement, réfléchissez qu'il faut obtenir qu'auteurs, illustrateurs, fabricants de papier, préparateur d'encre, imprimeur, graveur, éditeur, que sais-je encore, ne fasse en quelque sorte qu'un. Et à chaque livre nouveau, c'est à recommencer. C'est toujours la même communion qu'il faut obtenir, c'est la même fusion à réaliser. Vos villes, parlons-en. Les rues, des lignes tracées au cordeau. Les maisons, des cubes posés les uns sur les autres. Édifier une de ces cités géométriques ou 10, 50, 100, le machinisme suffit pour des constructions en série. Très drôle, fit l'Américain. Cela, alors, demande beaucoup de temps pour achever un de vos livres. Et combien en avez-vous encore à publier ? Je lui en énumérai un certain nombre. Indeed, vous comptez donc vivre 100 ans ? Dame, il faudra bien. J'allais sur mes 15 ans quand, un jour, mon père m'envoyant chercher le cours de littérature de Lamartine dans la bibliothèque, je tombai sur tante Noémie, qui, à ma vue, dissimula sous sa pèlerine une grosse brochure. À sa couverture couleur saumon, j'avais reconnu la Revue des Deux Mondes, que j'avais souvent remarquée entre les mains de mon père. Il m'était arrivé d'ouvrir quelques-uns des livres qu'il lisait, comme « La recherche de la vérité » de Malebranche, « La logique de Port-Royal », « Le discours de la méthode ». Lectures qui se révélèrent, pour moi, si décevantes que je me gardais bien dorénavant de mettre le nez dans les ouvrages honorés de la prédilection paternelle. Mais, devant le trouble de ma tante, il doit y avoir là-dedans, me dis-je, des histoires de femmes. Le sexe auquel elle appartenait inspirait à tante Noémie une méfiance tenace. Pour elle, la femme était l'occasion, sinon la cause, de la plupart de nos péchés. Je quittai la pièce, de mon air le plus innocent, me promettant d'y revenir. Quelques instants plus tard, ma tante, ayant coiffé son chapeau à bride pour sortir, me dit en s'en allant « Ne te sers pas de l'échelle, les barreaux ne sont pas solides. » À peine était-elle partie que mon premier soin fut d'inspecter attentivement les rayons de la bibliothèque. Et, sur la dernière tablette, touchant presque le plafond, je vis une collection de la Revue des Deux Mondes. Me rappelant ce que tante Noémie m'avait dit du peu de solidité de l'échelle, je fis monter un petit domestique nègre qui me descendit sans encombre toute la rangée de la revue. Au deuxième ou troisième numéro que je feuilletais, je tombai sur l'histoire d'un jeune Parisien, héritier d'un oncle d'Orient et à qui un respectable nuque avait remis 4 fascinantes vierges qu'il était allé acheter à Constantinople pour le compte du défunt. Je passai la nuit entière à cette lecture qui évoquait pour moi tous les mystérieux enchantements de l'Orient. J'avais bien soin de cacher d'une main la flamme de la bougie, dans la crainte qu'un ray de lumière sous la porte n'éveillât l'attention de maman, dont la chambre était contiguë à la mienne. Et l'on comprend que, mis en goût par un si captivant récit, je m'empressai les jours suivants d'explorer page par page tous les numéros de la Revue des Deux Mondes. Mais les autres articles qu'elle contenait me parurent, de prime abord, relevés du genre ennuyeux. Il ne me fallut pourtant pas réfléchir longtemps pour me dire qu'une revue qui avait publié « Mon oncle Barbasson » ne pouvait contenir que des articles remarquables, encore qu'incompréhensibles pour moi. Dans cette conviction ingénue, mon admiration pour la revue ne fit que croître. Un jour que le professeur m'avait félicité pour une dissertation française, je m'enhardis à lui demander quel titre il était nécessaire d'avoir pour être admis à écrire dans la Revue des Deux Mondes. « Quoi ? Prendre place à côté de ces grands prospecteurs de la conscience humaine, les Jules Lemaître, les Paul Bourget, les Taine, les Albert Delpy, les Georges Honnet ?» À cette évocation magistrale, je sentis s'évanouir toutes mes ambitions. Jamais je ne ferai partie de cette illustre phalange. Quand, bien plus tard, j'eus écrit quelques essais qui passèrent dans des revues, ma marotte d'être agréée dans la célèbre maison de la rue de l'Université me reprit. C'est que, d'abord, il m'avait semblé qu'à la faveur de la guerre, il y soufflait maintenant un grand vent de libéralisme. Le comité directeur n'avait-il pas décidé que, dans un but d'union sacrée, les mots en « en » à « nt » tels qu'enfant, éléphant, amant, seraient imprimés désormais dans la revue avec le T, qu'on avait jusqu'alors jalousement banni du pluriel, conformément à l'orthographe du XVIIIe siècle. Cette modification dans l'orthographe n'eût pas été suffisante pour m'enhardir au point de vouloir franchir le seuil de l'Arche Sainte. Mais la revue, m'écriai-je un jour, dans une soudaine illumination, n'a-t-elle pas des pages d'annonce? Et qui m'empêcherait de faire passer ma prose dans un de ces suppléments qui sont, après tout, une annexe, une sorte d'appendice aux articles signés des plus grands noms de la littérature? Je pris donc une page d'annonce où, en même temps que je faisais valoir les mérites de mon livre, Les réincarnations du Père Ubu, j'initiais les lecteurs de la dite revue à la plus récente invention du Père Ubu, la voile filée ou voile percée d'une quantité de trous et qui, par là même, n'offrant aucune prise au vent, permettait aux bateaux à voile d'affronter les plus furieux aquilons. La voile filée avait, en outre, le très précieux avantage de capturer les poissons volants, tels que baleines, morues, veaux marins, serpents de mer, voire tortues, oursins et autres bestioles, idoines à ravitailler le garde-manger de l'équipage. L'insertion fut acceptée sans observation. Quelques jours plus tard, comme je sortais fièrement du bureau de la revue, où j'étais venu porter mon épreuve corrigée, je rencontrai sous le porche un homme de lettres qui me dit, avec une considération qu'il ne m'avait pas témoignée jusqu'alors, et où se mêlait, me sembla-t-il, une nuance d'envie, « Diable, vous fréquentez ici maintenant ?» Je lui répondis négligemment que je venais de remettre un bon à tirer, qu'on m'avait réclamé d'urgence. Mais, dès le surlendemain, je recevais de la revue une lettre qu'accompagnait un chèque. On me faisait savoir que, sans vouloir préjuger de la valeur littéraire de mon ouvrage, le conseil de direction avait estimé que, tant l'annonce elle-même que l'extrait que j'y avais incorporé ne lui paraissait pas compatible avec l'esprit de la maison. Le chèque remboursait le prix de mon insertion. Mais de ma déconvenue, je devais, plus tard, avoir une revanche. Je me vis citer en compagnie d'un écrivain célèbre qui avait figuré parmi les authentiques gloires de la maison, l'auteur des Demi-Vierges. La congrégation du Saint-Office avait dénoncé à l'officialité de Paris deux récents volumes dangereux pour la foi et les mœurs, Les Anges Gardiens de M. Marcel Prévost et La Sainte Monique de M. Ambroise Vollard. Et le conseil de vigilance de l'archidiocèse avait, dans la semaine religieuse, mis en garde les fidèles contre ces deux ouvrages. Je dois à la vérité d'ajouter qu'à la suite de cette notification de l'autorité diocésaine, un de nos plus éminents critiques littéraires, feu Paul Soudet, trouva scandaleux que le nom d'un écrivain d'aussi grande classe que M. Marcel Prévost fût accolé à celui d'un écrivain amateur d'aussi mince étoffe que l'auteur de Sainte-Monique. Sainte-Monique, ma présomption en effet n'avait pas connu de borne. Après avoir rêvé de figurer dans la revue des Deux Mondes, j'avais ambitionné d'écrire une vie de saint. Mais pourquoi avais-je choisi Sainte-Monique ? Un jour, ayant ouvert par hasard le Saint-Augustin de M. Louis Bertrand, je tombai sur le passage où Augustin estime que sa mère s'est montrée peu chrétienne, voire cruelle, en chassant de la maison familiale la maîtresse qu'elle avait si longtemps tolérée, mais qu'elle trouvait indésirable maintenant qu'elle cherchait à marier son fils. Je découvrais là une similitude de situation entre la mère carthaginoise et maintes bourgeoises d'aujourd'hui. En outre, l'évocation d'une action se passant sur la terre africaine m'avait rappelé, par la pensée, ma lointaine île natale avec ses fleurs, ses oiseaux, ses paysages, en un mot, quelque chose de l'atmosphère où vécurent Augustin et sa mère. Et, peu à peu, voici que m'apparaissaient aussi de frappantes analogies entre la mère Citationne, éternelle chercheuse de raison, qui était la veuve de Patricius, et ma tante Noémie, qui, dans l'inquiétude perpétuelle des pièges du démon, était toujours à rôder autour de ses neveux, prompte à couper les ailes à toute manifestation de fantaisie, de gaieté, de joie de vivre. Quelle tentation d'essayer d'exprimer tout cela! Et combien je devais être heureux d'apprendre que la lecture de mon livre, où l'on voit la mère d'Augustin, à son lit de mort, demander pardon à la maîtresse de son fils, avait ramené à la sainte quelques âmes que la lecture des confessions en avait éloignées. J'en éprouvais quelque fierté. Mais voilà que, dans un compte rendu de l'ouvrage, un révérend père jésuite, le père Doncoeur, le qualifia d'ordure froide. Un jugement aussi sommaire, formulé avec une rudesse si peu conforme à la courtoisie habituelle aux religieux de cet ordre, n'avait pas laissé de me surprendre. Je m'en ouvris à un ecclésiastique très apprécié pour la sûreté de sa doctrine. Rien de plus compréhensible que l'anathème jeté sur votre livre par le fils de Saint Ignace. Comment voulez-vous qu'un jésuite puisse ne pas affecter de trouver scandaleuse la complaisance que vous montrez à l'égard de la maîtresse d'Augustin ? Tenez, je sais un auteur qui a été plus malin que vous. Il a fait représenter devant une assistance de gens bien une sainte Monique, où l'on voit la maîtresse d'Augustin, devenue une humble moniale, se précipiter aux pieds de Monique et la supplier de lui accorder son pardon. Dans votre livre, c'est sainte Monique qui demande pardon. Moi, qui n'y cherche pas malice, je me dis, voilà qui est d'une sainte. Un perdon-cœur, au contraire, ne pouvait pas voir sans une sourde irritation que fut donnée par un obscur laïc cette grande leçon d'humilité et de charité chrétienne, qu'un fils de saint Ignace, qui a aménagé sa clientèle de femme du monde, ne peut pas proposer en exemple à ses distinguées pénitentes sans risquer de voir déserter son confessionnal. J'avais songé à Bonnard pour illustrer ce livre, mais j'hésitais à lui en parler. Depuis, parallèlement, et Daphnis et Chloé, je savais qu'il avait été sollicité maintes fois et toujours en vain. Notamment, un collectionneur allemand, le comte Kessler, sans pouvoir le décider, lui avait offert de faire fondre des caractères spéciaux et de fabriquer un papier selon les méthodes anciennes s'il voulait lui faire des illustrations. Mais un jour, chez moi, au cours d'un déjeuner, quelqu'un m'ayant demandé de lire quelques pages de mon livre, je m'exécutai. Après ma lecture, « Tiens, c'est assez curieux, » dit Bonnard qui était présent. « Vous trouvez que c'est bien écrit ?» lui demandai-je, flatté dans mon amour-propre d'auteur. « Je n'en sais rien, moi, » repartit le peintre, « mais je trouve l'ensemble assez sympathique. » Je ne laissais pas échapper une si belle occasion. « Ça ne vous dirait pas d'illustrer mon ouvrage ?»« Oh, mon Dieu, s'il s'agit seulement de quelques dessins !» Je devais obtenir bien mieux de la bonne volonté de Bonnard. Il me fit 42 hors-textes et 178 frontispices écus de lampe. Je renouvelai, dans cette circonstance, la tentative, essayai souvent et sans grand succès, de mêler dans l'illustration d'un même ouvrage des bois, des lithos et des eaux-fortes. En demandant à Bonnard de faire en sorte que, dans les lithos, le trait parût comme tracé à la pointe, je comptais mettre celle-ci en harmonie avec les eaux-fortes. Mais je n'avais pas pris garde qu'au tirage, la planche de cuivre dépose sur le papier un fond teinté, lequel, si léger qu'il soit, tranche sur la blancheur des marges, ce qui ne se produit pas au tirage des lithographies. Ainsi, l'unité du livre risquait d'être rompue. Pour avoir une illustration homogène, je dus ne mettre en hors-texte que les planches litho et renoncer à intercaler les planches eaux-fortes dans le corps du livre. Comme je ne voulais pas priver d'une si belle série de cuivres les admirateurs de Bonnard, je rejetai les eaux-fortes à la fin du volume. Ce n'était pas tout. Il importait d'indiquer clairement au relieur l'ordre des planches dans l'ouvrage. Il y avait bien le moyen dont je m'étais servi pour Dingo, c'est-à-dire une table des gravures comportant une réduction photographique des hors-textes, chaque sujet ayant un numéro de pagination. Cette fois, je voulais faire mieux. Pourquoi ne demanderais-je pas à Bonnard de graver lui-même, sur cuivre, une réduction de ses hors-textes ? Encore qu'à chaque planche nouvelle que j'obtenais, je lui eusse juré que c'était la dernière fois que je venais l'embêter, je lui écrivis pour lui dire ce que j'attendais de lui. Quelque temps après, à ma grande joie, il me rapporta mes planches où il avait gravé les 42 petits sujets. On pourra juger par un exemple du succès des illustrations de Bonnard pour sainte Monique. Pendant que l'on imprimait le livre, je reçus la visite d'un libraire qui souscrivit à 4 exemplaires de sainte Monique et prit en même temps un exemplaire de Dingo. Avec la feinte modestie de quelqu'un qui s'attend à un compliment, je dis à mon acheteur « Comment, un seul dingo et quatre Sainte-Monique ?»« Oh, vous savez, ce n'est pas pour le texte qu'on achète un livre illustré. Et j'aime mieux ce que Bonnard a fait pour Sainte-Monique que ce qu'il a fait pour Dingo. »